walking on the street, and I'm happy. I'm walking on the street, and I'm happy. Everything is so perfect, I'm happy. Everything is so perfect, I'm happy. Il y a bien sûr quelques hommes d'affaires qui sont bien contents, pour eux tout va bien. Le marché des armes est si prospère qu'ils n'ont plus vraiment de soucis pour demain. Et moi, demain, je sais très bien ce que je vais faire. Il y aura Mistral, le soleil, la mer, je vais être bien. Même si je sais que demain sur terre des hommes vont trouver la mort sur leur chemin. Je penserai que je ne peux rien y faire, je ne peux pas mourir pour eux, je le sais bien. Je ne peux pas non plus aller faire la guerre, aucune cause ne mérite la mort d'un humain. Quelques hommes d'affaires qui sont bien contents, pour eux tout va bien. Le marché des armes est si prospère qu'ils n'ont plus vraiment de soucis pour demain. Everything is so perfect, I'm happy. Everything is so perfect, I'm happy.